suicide qui passe. Tant pis si mon cœur bat tout bas au rythme de mes pas. Mon désir vagabond fuyant vers l'horizon ne s'emprisonne pas. J'ai connu le beau jour sans lendemain, j'ai laissé mon amour sur le chemin. Je suis ma roue des champs.